lève du temps plein. Marocain sera de chier, résilié sera ta fin. Ça débite, on dépêche, on vit dans la dégoûte. Pas temps pour les pains bêches. Une cagoule, un pied de biche, la sauce vient de vos poches. Le cerveau sous pipa. Je suis au bled dans ma bouche. Si ça vise les arts pour mieux remplir les poches, mes frères sont plus pêches. Wesh, AKM, les intellés. 1 million, ça qui était réglé. Canon, s'il est près du nez, tu torches le néné ou tu pégayes. Je sens la con qui crie mêlée. Dans ton visage, il n'y a que des pêlés. Canon, s'il est près du nez, tu vas torcher le néné. Torcher le néné. Torcher le néné. Canon, s'il est près du nez, tu vas torcher le néné. J'aimais pas vraiment l'école, j'ai préféré chiffrer. T'as beau dire ce que tu veux, y'a que le Coran qui dit vrai. On n'est pas dans les mêmes trucs, on fait pas les mêmes choses. Mais sert pas les mêmes doses, pleure pas les mêmes causes. Y'a quelques jours j'étais en compagnie d'un meuf, cette pute. Elle m'a dit qu'on faisait pas les mêmes causes. Moi c'est GLK, Fantito, tu me connais, né. Toujours à la quête de mon aîné. J'entends la concu crier, mais je suis avec Nino, je l'ai fait dans.